Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Agnès Leroux. À l'automne 1977, cette jeune femme de 29 ans, héritière d'un célèbre casino niçois, prend sa voiture et quitte Nice. Depuis, on ne l'a plus jamais revue. Aucun signe de vie, aucune trace de son corps n'a été retrouvée. Agnès Leroux a disparu. S'ouvre alors l'une des plus grandes énigmes judiciaires de ces dernières décennies. Une enquête au long cours sur presque 40 ans, dont le dernier acte a eu lieu en avril 2014. Cette affaire nous plonge au cœur de ce qu'on appelle à l'époque la guerre des casinos, qui rythme l'actualité de la Côte d'Azur à la fin des années 70, où se mêlent gros sous, mafia, corruption. Au croisement de la disparition d'Agnès Leroux et de ce contexte particulier, un homme attire la lumière. C'est Jean-Maurice Agnolet, avocat à la réputation sulfureuse et amant d'Agnès Leroux. Un homme que la justice poursuit pendant 30 ans, sans cadavre ni preuve formelle, mais avec une intime conviction bâtie sur un faisceau de soupçons. Voilà le cœur de cette affaire pour laquelle il faudrait inventer des mots, présumé assassiné pour elle, présomption de culpabilité pour lui. Notre invité aujourd'hui, Julia Minkowski. Avocate, elle a défendu la famille d'Agnès Leroux lors du premier procès en 2007. C'était son premier procès d'assises, un premier acte professionnel intense qu'elle raconte en plusieurs actes et rebondissements dans un livre intitulé « L'avocat était une femme, le procès de leur vie », ouvrage qui reprend 9 affaires, toutes étonnantes et passionnantes, plaidées par 9 femmes avocates, écrites par Lisa Vignoli et publiées chez Jean-Claude Lattès. Affaires sensibles. Une émission de France Inter, récit documentaire Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Nice, 30 juin 1977. Sur la célèbre promenade des Anglais, au numéro 9, se dresse l'imposante façade du Palais de la Méditerranée. Inauguré en 1929, le bâtiment au style Art déco a longtemps porté le surnom de plus beau casino du monde. De Joséphine Baker à Edith Piaf, en passant par Charles Trenet ou Jacques Brel, de nombreuses vedettes ont fait sa renommée. Un cadre d'apparence idyllique, mais qui, en cet été 77, ne l'est pas du tout. Ce 30 juin, à l'intérieur du palais de la Méditerranée, se tient l'assemblée générale du casino. Une partie à haut risque. À la tête du conseil, la présidente, Renée Leroux. Ancien mannequin, cette femme de 54 ans est réputée pour sa détermination et son caractère bien trempé. Elle a acquis le casino après le décès soudain, en 1967, de son mari, Henri Leroux. Pour gérer l'héritage et diriger le palais, elle fonde une société dans laquelle les 4 enfants Leroux détiennent chacun des parts du casino. Depuis 10 ans, Renée a mis toute son énergie dans cette entreprise, mais elle est aujourd'hui confrontée à de nombreuses difficultés, financières principalement. Le Palais de la Méditerranée subit la concurrence d'autres établissements, notamment celle du récent casino Rulle, situé à quelques mètres, un établissement détenu par un certain Jean-Dominique Frattoni. Sur la Côte d'Azur, le nom de ce Corse de 55 ans est bien connu, c'est le nouveau roi des casinos. Il est soutenu par l'inamovible maire de Nice, Jacques Médecin, qui rêve de faire de sa ville le Las Vegas de la Côte d'Azur. Dans sa volonté d'expansion, Frattoni a une cible prioritaire, le palais de la Méditerranée, justement. Pour y parvenir, il s'est déjà rapproché des 2 hommes présents au conseil d'administration du palais qui détiennent le reste des parts du casino. Mais voilà, il manque à Frattoni le soutien de l'un des membres de la famille Leroux pour pouvoir faire basculer la majorité. Et c'est là, ce 30 juin 1977, que tout se joue. Depuis quelques années, Agnès Leroux, la troisième fille de Renée, est en froid avec sa mère. La raison, toute simple, elle réclame son héritage. Le casino, ça l'intéresse pas. Et elle entend utiliser cet argent pour mener d'autres activités. Alors qu'elle avait toujours refusé, sa mère, Renée Leroux, finit par céder quelques semaines auparavant, rachetant les actions de sa fille. Des titres qui équivalent à 10 voix lors de l'Assemblée Générale du casino. Et elles sont essentielles puisqu'elles peuvent faire basculer la majorité. Ce 30 juin 1977, dès l'ouverture de la réunion, l'atmosphère est particulièrement confuse. Renée Leroux refuse qu'Agnès siège. Elle lui a vendu ses actions, elle ne peut donc plus participer à l'Assemblée Générale. En face, Agnès maintient sa position. La vente doit justement être actée ce jour, elle doit pouvoir siéger. Face à l'attitude de sa fille et des autres administrateurs, René Leroux comprend vite ce qui se trame. En réalité, Agnès va voter contre elle, avec ses adversaires. Blocage. La séance est suspendue. Elle reprend une demi-heure plus tard. René Leroux revient sur sa position. Elle accepte qu'Agnès siège. En d'autres termes, elle capitule. Le vote est sans appel. Les 10 voix d'Agnès pour le camp rival font la différence. Agnès a trahi sa mère. Comment a-t-on pu en arriver là? Assis à la table, un homme observe la scène. Il est peu intervenu au cours de la séance. Pourtant, il est le lien entre les différents protagonistes de cette partie de poker menteur. Cet homme, c'est Jean-Maurice Agnelet. Leroux, Agnelet, Fratoni, des noms qui, un an après ce coup de théâtre, font la une de l'actualité. Depuis un an, personne n'a de nouvelles d'Agnès Leroux, l'ancien PDG du Palais de la Méditerranée à Nice. Depuis un an, c'est-à-dire depuis que le casino a changé de main. Or, cette vente est litigieuse. L'acheteur du casino, Jean-Dominique Fratoni, a été inculpé d'infraction à la législation sur les sociétés et d'achat de vote. Alors qu'est devenue Agnès Leroux, mystère, un mystère qui pourrait pourtant être bientôt levé. Le juge d'instruction chargé de l'affaire a, semble-t-il, de nouveaux éléments. Hier et aujourd'hui, il a survolé les lacs de montagne, nombreux au-dessus de Nice, et surtout, il a entendu longuement Maître Agnelet, ex-avocat d'Agnès Leroux, inculpé lui aussi dans l'affaire, et qui apparaît maintenant comme le témoin numéro un. À l'automne 1978, voilà bientôt un an qu'on est sans nouvelles d'Agnès. D'emblée, l'affaire semble avoir une double dimension. Un volet criminel avec cette disparition, mais aussi un volet financier avec le soupçon d'achat de vote. Ce n'est qu'en février 78 que René Leroux signale la disparition de sa fille à la police. Elle est sans nouvelles d'elle depuis 3 mois. Bien sûr, il y a leur relation tendue, surtout depuis la trahison du casino. Il y a le caractère d'Agnès aussi, belle jeune femme de bientôt 30 ans, libre et indépendante, capable de partir plusieurs mois sans prévenir. Mais là, ça fait 5 mois tout de même qu'on est sans nouvelles. Pas d'appel, pas de lettres, pas de mouvement sur ses comptes bancaires. Pour sa mère, ses amis, ses frères et ses sœurs, c'est sûr, il se passe quelque chose de grave. Lorsque les enquêteurs entrent dans l'appartement d'Agnès, ils découvrent un lieu en ordre. Avec les journaux, on détermine une période pour la disparition. Autour de la Toussaint 77, entre le 26 octobre et le 2 novembre. Rien d'anormal, comme convenu, elle avait dit à ses amis qu'elle partait quelques jours, oui. Sauf qu'un élément, et pas des moindres, interpelle les policiers. Sur le bureau d'Agnès, ils trouvent un mot écrit de sa main. « Désolé, mon chemin est fini, je m'arrête là. Tout est bien, Agnès. » Je veux que ce soit Maurice qui s'occupe de tout. Quelques mots lapidaires et cette évocation de Maurice pour Jean-Maurice Agnelet, son amant depuis plus d'un an. Il faut peu de temps aux enquêteurs pour remonter dans le passé d'Agnès Leroux et découvrir qu'au début du mois d'octobre 77, c'est-à-dire quelques semaines seulement avant sa disparition, elle a fait coup sur coup 2 tentatives de suicide. Il leur faut peu de temps également pour se rendre compte que l'attitude de Jean-Maurice Agnelet au cours de ces tentatives est quelque peu troublante. Dans les 2 cas, prévenu par des amis d'Agnès, c'est lui qui appelle les secours. Dans les 2 cas, il se trompe d'adresse et ne dit pas qu'il possède un double des clés de l'appartement. Avec ces 2 tentatives et le mot « laissé » retrouvé chez elle, la thèse du suicide est inévitablement envisagée par les enquêteurs. Une thèse à laquelle ne veut pas croire René Leroux, comme elle l'explique devant les caméras d'Antenne 2. Il a fallu qu'il y ait beaucoup de choses qui interviennent pour qu'elle en arrive là. Et d'ailleurs, ma fille n'était pas non plus suicidaire. C'était une fille extrêmement gaie et qui était très, très jolie et qui était très spirituelle et qui est très, très artiste. C'était pas du tout une jeune femme qui avait des idées de suicide. Il a fallu qu'il y ait beaucoup de choses, beaucoup de pression morale, beaucoup de choses. Monsieur Agnelet avait voulu, espérait avoir un rôle au Palais de la Méditerranée de directeur général. Je lui avais dit que c'était impossible. Il m'avait proposé alors un contrat en tant que conseil et avocat de la société, un contrat extrêmement cher d'ailleurs, que j'avais refusé également. Mais de quelle influence parle René Leroux? Quel rôle aurait pu jouer Jean-Maurice Agnelet? Pour le comprendre, il faut s'arrêter sur le second volet de l'enquête, l'affaire financière. Les enquêteurs approfondissent leurs recherches et se plongent dans ce qu'on appelle à l'époque la guerre des casinos, la course à l'achat d'établissements et les opérations immobilières à Nice et sur l'ensemble de la Côte d'Azur, avec, en arrière-fond, des soupçons de blanchiment d'argent de la mafia italienne. Le palais de la Méditerranée était donc au cœur de cette bataille, convoité par Jean-Dominique Frattoni, le nouveau roi des casinos azuréens. En 1975, déjà, René Leroux soupçonne Frattoni d'avoir tenté un coup pour récupérer le palais. Cette année-là, le casino perd une somme de plusieurs millions de francs au cours d'une partie. Cette perte exceptionnelle et imprévue affaiblit considérablement les finances déjà mauvaises. Face à la situation, Frattoni propose son aide à René Leroux pour lui éviter la banqueroute. Elle accepte, mais elle se rend compte, quelques mois plus tard, qu'un scénario similaire se déroule au casino de Menton, même schéma. Au cours d'une partie, l'établissement perd lui aussi plusieurs millions de francs et doit déposer le bilan. Et qui est là pour le reprendre? Frattoni, tiens donc. Pour René Leroux, c'est clair, ses parties étaient truquées, Frattoni est derrière tout ça. Dans ses interviews, elle n'hésite pas à l'accuser à la fois d'achat de vote pour mettre la main sur le palais de la Méditerranée et d'avoir joué un rôle dans la disparition de sa fille. Selon elle, tout est lié. Face à ces allégations, Frattoni décide de répliquer. Madame Leroux vous accuse surtout d'avoir payé 3 millions à sa fille Agnès, le vote qui a fait basculer la majorité en faveur de votre groupe au palais de la Méditerranée. Madame Leroux m'accuse de cela comme de beaucoup d'autres choses, mais là encore je dois dire que c'est absolument faux. Il s'agit d'un véritable roman qu'elle a monté. Elle m'en veut, je ne sais pas pourquoi, car je ne lui ai jamais rien fait. Quant à sa fille Agnès Leroux, je ne la connaissais pas du tout. Au mois de mars 1977, elle a demandé à me rencontrer pour me vendre ses intérêts. Chose que j'ai acceptée et je ne pense pas avoir fait mal. Mais comme par hasard, Agnès Leroux a disparu après avoir planqué l'argent que vous lui aviez versé en Suisse avec Maurice Agnelet. Et Mme Leroux laisse entendre que vous n'êtes pas étranger à cette disparition. Là encore, c'est la poursuite du roman de Mme Leroux. Je me pose moi-même la question, pourquoi elle a disparu? J'ai versé de l'argent. Cet argent a été transféré par les soins d'Agnès Leroux ou je ne sais pas de qui en Suisse. Il reste bloqué en Suisse. Je n'ai ni les actions ni mon argent. Et Jean-Maurice Agnelet dans tout ça. Les enquêteurs découvrent l'existence d'un compte commun aux deux amants en Suisse sur lequel on retrouve la trace d'une somme équivalente justement à 3 millions de francs, montant de l'achat des parts d'Agnès par Frattoni. Pour René Leroux, c'est clair, sa fille était passionnément amoureuse de Jean-Maurice Agnelet. Ce dernier s'est servi de cette situation pour l'influencer dans le deal avec Frattoni. Une fois la transaction effectuée, les deux hommes se seraient débarrassés d'elle. Maintenant, qui est ce Jean-Maurice Agnelet? Né à Monaco le 10 février 1938, c'est un avocat de 39 ans au moment de la disparition d'Agnès Leroux. Sur l'homme, les avis divergent. Certains le trouvent prétentieux, antipathique, trouble. D'autres soulignent au contraire son charme et son côté séducteur. Il aime les femmes et ne s'en cache pas d'ailleurs. On lui connaît une autre relation, avec une certaine Françoise Losseur, héritière, elle aussi, en l'occurrence, de laboratoire pharmaceutique monégasque. Jean-Maurice Agnelet est aussi un homme d'entre-gens, président de la section locale de la Ligue des droits de l'homme. Il appartient également à une loge maçonnique depuis ses 21 ans, au sein de laquelle il a gravi les échelons. Après une première convocation en juin 1978, Jean-Maurice Agnelet est de nouveau entendu par les enquêteurs en septembre. Son attitude est assez agressive. Il refuse de répondre. Il se braque. Les policiers obtiennent sa garde à vue. Elle dure 48 heures, pendant lesquelles il oppose d'emblée le secret professionnel. Il refuse d'admettre qu'il était l'amant d'Agnès Leroux ou l'existence d'un compte en Suisse. Puis son cabinet est perquisitionné. Agnelet remet d'emblée aux policiers un ensemble de documents en rapport avec Agnès Leroux. 14 dossiers, 5 cassettes audio. Le juge et les enquêteurs découvrent la curieuse habitude d'Agnelet. Enregistré sur un magnétophone des conversations téléphoniques ou dans son cabinet et dont il fait des montages qu'il conserve comme archives. Et ce n'est pas tout. Le juge Richard Boisy s'arrête net en parcourant les documents. Car il tombe sur une photocopie du mot découvert chez Agnès Leroux, celui où elle dit « Désolé, mon chemin est fini ». Comment cette photocopie a-t-elle pu se retrouver là ? Le juge se tourne vers Agnolet. Qu'avez-vous fait d'Agnès Leroux ? Agnolet reste silencieux. Le bâtonnier intervient. Il s'agit d'une perquisition, pas d'un interrogatoire. Alors le juge laisse repartir Agnolet et le convoque pour 18 heures. La possession de ce document pourrait engager une inculpation pour complicité. Pourtant, lorsqu'il le reçoit, le juge Moisis l'interroge uniquement sur l'aspect financier de l'affaire, celle de l'achat du vote d'Agnès Leroux. Là, Agnolet reconnaît son rôle et admet qu'Agnès a été rémunérée pour voter contre sa mère. Agnolet ressort libre de l'audition. Quelque temps après, il donne une interview. Je suis obligé de rester dans la plus grande réserve. Toutefois, je peux vous dire que toutes les personnes qui doivent connaître de cette enquête connaissent exactement mon rôle. Il est clairement établi. Je n'ai, moi, en conscience, rien à me reprocher. Et la justice ne me reproche rien. Je me réserve de pouvoir, plus tard, m'expliquer. Une seule question, maître. Est-ce que vous pensez qu'Agnès Leroux est encore en vie ? Je ne le sais pas. Je l'espère. À l'automne 79, un an après le début de l'enquête, les policiers découvrent d'autres éléments troublants concernant Jean-Maurice Agnolet. Sur 4 exemplaires de la Pléiade, lui appartenant, déposés dans la bibliothèque de son ex-femme, il retrouve d'étranges annotations. Une en particulier les interpelle. Il est écrit « Mercredi 2 novembre 1977, reclassement dossier PM-PV-Liberté ». PM-PV. Ce sont les initiales qu'Agnolet emploie sur ses dossiers concernant le Palais de la Méditerranée pour PM et le Palais Vélicien, société propriétaire des murs du Palais pour PV. 2 novembre 1977-Liberté. Le 2 novembre est justement une date envisagée pour le jour de la disparition d'Agnès. Troublant. Et puis les enquêteurs découvrent aussi qu'Agnolet a viré l'argent du compte commun sur un autre compte en Suisse, à lui seul cette fois, quelques mois seulement après la disparition d'Agnès Leroux. Alors, pourquoi ? Est-il si sûr qu'elle ne reviendra pas pour retirer cet argent ? Pour les policiers, voilà le mobile. Oui, sauf que Jean-Maurice Agnolet a un alibi. Il lui est fourni par Françoise Losseur, son autre maîtresse. Elle assure qu'ils ont passé le week-end de la Toussaint 1977 ensemble, en Suisse. Le week-end, justement, pendant lequel Agnès a disparu. Agnolet est donc remis en liberté. En revanche, en décembre 1978, il est radié du barreau. Car dans le volet financier de l'affaire, il s'est rendu coupable de graves manquements aux règles de sa profession. D'ailleurs, plane toujours sur lui, comme sur Fratoni, la menace d'un procès dans ce volet de l'affaire Leroux. Du côté de l'enquête, inexorablement, le temps passe et ça n'avance pas. Les mois filent et on est toujours sans nouvelles de la jeune femme. René Leroux ne supporte pas de voir l'enquête s'enliser. À plusieurs reprises, elle fait requalifier la plainte pour maintenir police et justice sous pression. Finalement, en août 83, soit 6 ans après la disparition d'Agnès, un avis de recherche international est émis contre Agnolet. Il est alors inculpé d'homicide et d'abus de confiance. Résident depuis 2 ans au Canada, c'est là qu'il réagit à ce rebondissement. Et la justice française a toujours su où m'atteindre. Le juge a toujours eu mon adresse et mon téléphone à Montréal. J'ai été immatriculé au consulat de France à Montréal dès mon arrivée en avril 1980. Je n'ai encore reçu aucune notification officielle concernant une décision de la justice française à mon sujet. Je n'ai eu que des informations téléphoniques par des amis français. Dès samedi matin, à 7h du matin. Et dès midi, j'avais en poche mon billet d'avion pour rentrer en France et j'en ai immédiatement informé mon avocat à Nice. C'est-à-dire que je serai devant le juge en France avant, et je souligne bien, avant que rien d'officiel ne m'ait atteint. N'aurait-il pas été plus humain de me convoquer simplement ? Agnolet est interpellé le 8 août 1983 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et il est placé en détention. Au bout de 2 mois, le 7 octobre 1983, la justice abandonne les charges pour le volet criminel. Elle estime en effet que le dossier n'est pas assez étayé. L'étrangeté d'une attitude n'a jamais valu culpabilité. Les soupçons ne constituent pas des preuves et le doute ne fait pas le verdict. Et puis il n'y a pas de cadavre. et surtout, Agnolet a un alibi. Il bénéficie donc d'un non-lieu le 30 septembre 1985. Cependant, pour le volet financier, la cour d'appel de Lyon le condamne à 30 mois d'emprisonnement, dont 24 fermes pour abus de confiance et complicité d'achat de vote. Frattoni, lui aussi, est condamné, mais il s'est exilé depuis plusieurs années en Amérique du Sud. Condamné sur le plan financier, innocenté sur le plan criminel. On en est là, 6 ans après la disparition d'Agnès Leroux. 6 ans, rappelons-le, sans nouvelles. Le temps. Voilà sans doute le cœur de cette histoire. Car bien des années après cette première décision judiciaire, l'affaire Leroux va connaître un rebondissement spectaculaire. En octobre 77, en pleine guerre des casinos, Agnès Leroux, l'héritière d'un grand casino de Nice, part pour le week-end de la Toussaint au volant de son véhicule. On ne la reverra plus jamais. Un ancien avocat niçois, Jean-Maurice Agnolet, suspecté d'être le responsable de cette disparition et qui avait bénéficié d'un non-lieu en 85 et qui vivait jusqu'à présent en exil à Panama, est consigné en France, on l'a appris hier. Au début du mois dernier, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture de la procédure criminelle, réouverture motivée par le revirement d'un témoin clé, l'ancienne maîtresse de Jean-Maurice Agnolet, celle qui lui avait fourni son alibi voici 23 ans. L'ancien avocat est de nouveau mis en examen pour homicide volontaire et séquestration. « 23 ans après la disparition d'Agnès Leroux en janvier 2001, l'affaire ressurgit au cœur de l'actualité. Entre-temps, certains protagonistes sont décédés, comme Jean-Dominique Frattoni. D'autres sont partis s'exiler en Uruguay, comme Jacques Médecin. Pour bien comprendre ce rebondissement, il faut revenir un peu plus d'un an en arrière. En juin 1999, Françoise Losseur, la maîtresse de Jean-Maurice Agnolet, celle qui a confirmé son alibi, se rend dans le bureau de la juge d'instruction à Nice et revient sur ses premières déclarations. Oui, elle est bien allée à Genève le week-end de la Toussaint 1977, mais non, Jean-Maurice Agnolet n'était pas avec elle. Cet élément nouveau ne tombe pas du ciel. Il se trouve que depuis 23 ans, sans relâche, une femme se bat pour connaître la vérité. Et cette femme, c'est Renée Leroux, la mère d'Agnès. Pendant 23 ans, elle a sollicité des détectives privés, mené sa propre enquête, constitué des dossiers, des centaines de fiches et usé près de 6 juges d'instruction. Surtout, elle s'est démenée pour que son combat puisse continuer, malgré le temps qui passe, plus vite que n'avance l'enquête, avec la prescription qui guette. Alors, il n'y avait qu'un moyen, déposer plainte pour recel de cadavre. Eh oui, le recel ne peut être prescrit. Conseillée par son détective, Renée Leroux décide de s'attaquer à un personnage clé de l'affaire, Françoise Losseur, l'ex-maîtresse, celle qui valide l'alibi d'Agnolet. Renée Leroux porte plainte contre elle pour complicité de recel de cadavre. Si elle était en week-end avec Agnolet au moment de la disparition d'Agnès, c'est qu'elle aurait pu y jouer un rôle. Alors Françoise Losseur prend peur et décide de révéler son mensonge. Pourquoi, lui demande la juge. Parce qu'elle ne veut plus se mettre en danger pour un homme avec qui elle n'a plus aucun contact, lui répond-elle. Depuis quelques années, Françoise Losseur et Jean-Marie Agnolet en effet se sont séparés. D'un coup, c'est toute la défense d'Agnolet qui s'écroule. Et de nouveau, la justice se met au travail, le dossier est rouvert et la procédure enclenchée. Le 26 octobre 2005, Agnolet est renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. L'affaire ne se compte plus en années, mais en décennies. C'est donc un homme à la voix vieillie qui se présente au tribunal de Nice le 23 novembre 2006. J'ai dit que depuis 30 ans, on me poursuit. Et que depuis 30 ans, je dis que je suis innocent. Depuis 30 ans, je dis que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'est devenue Agnès Leroux. Et on me demande qu'est-ce que je pense d'Agnès. Mais quand je pense à Agnès... Et le procès s'ouvre pour 4 semaines à Nice. Dès 6h du matin, le public attend devant le tribunal pour essayer d'avoir une place, tant la foule qui s'y rend est impressionnante. Inévitablement, le témoignage de Françoise Losseur est l'un des moments cruciaux du procès. Christian Binaire pour France Inter raconte. Oui, Françoise Losseur, 66 ans, toujours belle et aux manières quelque peu précieuses. Elle raconte, lorsque j'ai été convoquée par la police en octobre 1978, soit un an après la disparition d'Agnès Leroux, j'ai voulu voir avant Maurice Agnolet. Alors ça s'est passé sur une aire d'autoroute, il m'a dit, si on me pose la question, tu n'as qu'à dire que ce 27 octobre, j'étais avec toi en week-end à Genève. J'ai demandé pourquoi. Il m'a répondu, je n'ai rien fait à Agnès, mais je ne peux pas le prouver et ça m'arrange que tu dises ça. Et monsieur le Président, je l'ai cru, oui. Et je défie quiconque qui aime un homme d'aller contre ça, de ne pas faire quelque chose qui lui rendrait service. Le Président, pourquoi alors être revenu sur ce témoignage, 20 ans après, par dépit amoureux cette fois ou par haine? Oh, pas du tout, monsieur le Président. Je n'ai plus aucun sentiment pour lui et d'une certaine façon, je pense même qu'il a déjà payé depuis le temps que cette histoire lui pourrit la vie. Pas par haine, mais par trouille. Oui, parce qu'un jour, je me suis retrouvé témoin assisté chez un juge, plus ou moins accusé de complicité de recel de cadavre. C'était énorme, je vous assure que ça fait un choc, alors bien, j'ai dit la vérité. Interrogé à son tour, Agnolet répond sèchement, je n'ai jamais demandé à Françoise de me fournir un alibi, jamais. Vient le temps des avocats. Maître Kejman, qui défend les intérêts de René Leroux, entre en scène. Le ténor du barreau commence par évoquer le fiasco judiciaire de cette affaire. Il met en évidence le retard de l'enquête, le statut de notable et les relations d'Agnolet qui ont pu le protéger. Et puis, que dire de son attitude? Il est le seul à ne pas s'inquiéter de la disparition de son ancienne maîtresse. Et puis, cette photocopie du testament d'Agnès retrouvée dans son cabinet, ses annotations dans la Pléiade, cette rapidité, 3 mois seulement, pour retirer l'argent du compte suisse d'Agnès. Et puis le mobile, celui de l'argent, de la liberté retrouvée sans Agnès. Toutes ces choses qui laisseraient entendre qu'Agnolet ne doutait pas de la disparition de la jeune femme, pour la simple et bonne raison qu'il la savait morte. Puis c'est au tour de la défense. Maître Jean-Pierre Versini-Campinki et François Saint-Pierre dénoncent le vide sidéral du dossier. Pas de cadavre, pas d'armes, pas d'aveux, pas de témoins, rien. Agnolet a menti pendant l'enquête, c'était pour éviter la radiation du barreau. Et puis, le mot retrouvé, les annotations, toutes ces pièces insuffisantes lors du premier procès en 1985 pour le condamner, alors imaginez-vous, 30 ans après. Le témoignage de Françoise Losseur, là, il y a un doute. Car c'est parole contre parole. L'un des deux ment, c'est clair. Reste à savoir lequel. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Françoise Losseur et Jean-Marie Maurice Agnolet sont en très mauvais termes depuis 20 ans et leur séparation. Alors, pourquoi pas une vengeance de l'ex-maîtresse ? Après un mois de débat, le 20 décembre 2006, le verdict tombe. Jean-Maurice Agnelet est acquitté. Je suis venu en étant persuadé que l'évidence de mon innocence serait reconnue et les jurés ont eu leur intime conviction que je suis innocent. Mais au cours du procès, est-ce qu'il y a eu des moments quand même où vous avez douté d'obtenir cet acquittement ? Non. Au niveau du procès, je suis tellement attentif à écouter ce que disent les uns et les autres que je n'ai pas assez de recul pour voir l'orientation de l'ensemble. Je suis resté zen, je suis resté calme, je suis persuadé que mon innocence sera reconnue. Elle l'a été. Vous avez entendu quand même des choses assez terribles sur vous. C'est un psychiatre qui a dit que j'avais un ego, un narcissisme. Mais comme je m'en fous de ce qui a été dit, parce que c'est pas vrai, mon ego, mon narcissisme, ça fait bien longtemps que je me suis assis dessus. Que voulez-vous faire contre la calomnie ? Rien. À l'annonce des verdicts, René Leroux, la mère d'Agnès, s'est abattue. Pour autant, elle annonce qu'elle continuera, comme elle l'a toujours fait, à poursuivre sa quête de vérité. Elle fait donc appel, et le 17 septembre 2007 s'ouvre le deuxième procès à Aix-en-Provence. De nouveau, les deux camps s'affrontent, avancent leurs arguments, en même temps qu'ils démontrent ceux d'en face. Agnelet maintient sa position, il est innocent comme il n'a eu de cesse depuis 30 ans de le dire. Après un mois de débat et 2 heures de délibération, les 12 jurés et les 3 magistrats se prononcent. Et là, contre toute attente, Jean-Maurice Agnelet est finalement condamné, et lourdement, 20 ans. Inédit, 30 ans après les faits, l'ancien avocat et amant est condamné. À la sortie du tribunal, René Leroux prend la parole, exprimant la fin de 30 années de lutte. Je suis contente du résultat, mais... Hélas, je sais que malheureusement, je ne reverrai jamais ma fille. Et c'est ça le plus dur. À mon âge, j'avais 86 ans à la fin de l'année. Ça fait 30 ans. C'est dur. Mais enfin bon, aujourd'hui, le résultat est là. Ce que l'on retient de cette histoire à l'issue de ce procès en appel en 2007, c'est qu'après 30 ans, le dossier s'est alourdi au fil du temps face au revirement de certains témoins. Les preuves ont pris de l'épaisseur. Cependant, Jean-Maurice Agnelet a été condamné pour un meurtre sans cadavre. Au prix de multiples rebondissements, l'affaire Leroux couvre, au final, 3 décennies d'histoire judiciaire. Comfort you and see you through. France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Agnès Leroux ou affaire Agnolet, dont nous allons parler avec notre invitée Julia Minkowski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, avocate pénaliste. Vous avez défendu la famille d'Agnès Leroux lors du procès en 2007 avec votre confrère Hervé Thémine, que nous avions reçu d'ailleurs ici pour parler de l'affaire Areva. Bien, ce fut votre premier procès d'assises, jusqu'au dernier acte, c'est pas tout à fait le dernier acte, on va en parler, donc le procès de 2014 avec un coup de théâtre, de nouveaux témoignages de Guillaume Agnolet. Et vous racontez cette aventure judiciaire en plusieurs actes et rebondissements dans un livre intitulé « L'avocat était une femme, le procès de leur vie » qui reprend 9 affaires, difficiles, plaidées par 9 femmes avocates, livre écrit avec la journaliste Lisa Vignoli et publié chez Jean-Claude Lattès. Alors il y a un dernier... Je rappelle que l'histoire que vous venez d'entendre, qu'on a diffusée, est une rediffusion de cette histoire que nous avions déjà racontée dans Affaires Sensibles. Nous avons pris l'habitude d'actualiser ces rediffusions avec un nouvel invité pour un nouveau regard, en l'occurrence vous aujourd'hui. Mais il s'est passé quelque chose d'important entre la fin de ce récit et ce que vous allez nous dire concernant Agnolet. Oui, il y a eu un tout dernier acte après ce dernier procès de Rennes où Maurice Agnolet a été une deuxième fois condamné pour le meurtre d'Agnès Leroux. C'est le décès de Maurice Agnolet lui-même il y a un an, en janvier 2021. Il a bénéficié d'une libération au mois de décembre 2020 et il est parti rejoindre un de ses fils, Thomas, en Nouvelle-Calédonie. Il a été placé à l'isolement en raison du Covid pendant une semaine et je crois que le jour même ou le lendemain de son arrivée chez son fils, face à l'océan, il est décédé d'une crise cardiaque libre. C'était votre premier procès d'assises donc et vous êtes, comme vous l'écrivez dans le livre, partie civile, vue par certains comme une sorte de trahison à l'essence même du métier, ce qui n'est pas vrai évidemment, mais ça peut être vu comme ça. Donc si je résume, premier procès d'assises, jeune avocate, affaire difficile et... apparemment du mauvais côté par rapport au public, celui des parties civiles. Vous avez le sens du risque, hein. Expliquez-nous tout cela, comment ça s'est passé. C'est mon premier procès d'assises, c'est une affaire extraordinaire et je dois vous avouer que de là où j'étais avec ma petite année de barreau, pouvoir y participer, de quel côté que ce soit, c'était déjà une chance extraordinaire. Par contre, j'ai pu observer, j'ai d'ailleurs beaucoup appris, Hervé Thémine, qui est mon associé aujourd'hui, dont j'étais la collaboratrice et qui avait accepté de défendre la famille Leroux alors qu'il était très rarement partie civile. Il dit lui-même d'ailleurs qu'il l'avait été une fois quelques années auparavant et qu'il avait été assez mauvais et que donc il se l'interdisait presque. J'ai vu Hervé Thémine se battre avec des questionnements sur justement quelle est la place de l'avocat pénaliste sur ce banc-là, notamment dans une affaire comme celle-ci où un acquittement était intervenu. Il y avait eu un appel du parquet, mais c'était très très nouveau que le parquet puisse faire appel des acquittements. Donc moi, j'ai beaucoup appris sur ce que c'était d'être de ce côté de là-bas, ce que c'est de défendre non seulement une famille, mais surtout en réalité une personne disparue, une victime, Agnès Leroux, car c'est elle que nous avons défendue. Moi, j'avais 27 ans à l'époque, c'est-à-dire exactement l'âge qu'avait Agnès le jour de sa disparition. Et je suis très heureuse et fière d'avoir pu la défendre. En l'occurrence, quand on est avocate de la partie civile, on peut dire que parfois la meilleure défense, c'est l'attaque. On attaque l'accusé pour mieux défendre les victimes, les familles des victimes, c'est oui. Ça c'est le piège dans lequel... Quand même, hein. C'est le piège dans lequel il faut éviter de tomber. Ah, voilà. Vous savez, c'est comme dans L'Étranger, finalement, on fait le procès de Morceau, davantage en raison du fait qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère que parce qu'il a tué quelqu'un dont finalement tout le monde se contrefiche un petit peu. Il faut faire très attention de ne pas tomber dans ce piège. On ne fait pas le procès de cette personne pour l'intégralité de son œuvre. Et c'est vrai que dans le cas de Maurice Agnolet, qui était quelqu'un d'assez franchement détestable sur tout un tas de sujets dans sa vie, mais on n'était pas là pour ça, on était là pour juger cette personne par rapport à ces faits-là, c'est-à-dire la disparition d'Agnès Leroux, et uniquement ça. Et ce qui a été beaucoup colporté par la défense de Maurice Agnolet, peut-être que c'est leur ressenti, c'est que justement, il n'avait été condamné que parce que c'était quelqu'un de détestable, que parce qu'il s'était extrêmement mal défendu, alors que de notre côté, justement, on a vraiment, vraiment pris garde à ne pas tomber dans ce piège-là, et à faire la liste, c'était la plaidoirie d'Hervé Temim, je crois qu'il y avait 9 preuves. Mmh. On dit souvent, il n'y a pas d'éléments matériels, il n'y a pas d'ADN, c'est vrai. On ne sait pas, l'avocat de Maurice Agnolet le dit toujours, où, quand et comment Agnès Leroux est décédée, ou en tout cas on ne le savait pas tant que Guillaume, son fils, n'avait pas parlé. Mais pour autant, on a tout un tas d'éléments, tout un tas de preuves matérielles. Il y a ce fameux mot, ce mot de suicide que Maurice Agnolet avait récupéré après une tentative de suicide d'Agnès et qu'il utilise cette fois-ci, alors qu'elle a disparu, comme si elle venait de l'écrire pour cette disparition-là, alors qu'en fait, c'est un mot qui était daté de 3 semaines auparavant et qui l'a manifestement amputé de sa date. Si ça, c'est pas une preuve matérielle, qu'est-ce que c'est ? Ouais. Bien sûr qu'il y a des preuves dans ce dossier. Mais enfin, quand même, la tâche est difficile pour vous, puisque d'ailleurs, la défense d'Agnolet ne se gêne pas en disant où, quand et comment, comme une rengaine, sans cadavre, sans trace de sang, sans arme de crime, peut-on même juger ? Comment on se positionne dans votre position ? C'est très difficile, oui. C'est vrai. Et quand je vous disais qu'Hervé Temim s'était battu avec cette position de parti civil, évidemment qu'il s'est battu et qu'on a énormément discuté de ce problème de meurtre, de disparition et de cadavre qui n'est pas trouvé. Mais c'est pas la seule affaire de ce type. Est-ce qu'il faudrait envoyer un message comme quoi, si vous avez bien réussi à faire disparaître le cadavre, et ben finalement vous ne serez jamais jugé. Il peut y avoir d'autres preuves que celles qui correspondent exactement à la façon dont le meurtre a été perpétré. Et c'est ça qui a été jugé. Avec évidemment cette loi qui s'applique depuis le code Napoléon, le doute profite à l'accusé. Eh oui. Le doute ne profite évidemment pas à la partie civile. Et la plaidoirie telle qu'elle a été construite, c'était ça. C'était de dire aux jurés, évidemment, on est tous d'accord. Si vous avez le moindre doute, vous devez acquitter Maurice Agnolet. Maintenant, nous, on va vous faire part de nos convictions et des preuves qui, à notre sens, démontrent qu'il a tué Agnès Leroux. Et vous ajoutez dans votre livre, cette jeune femme qui avait mon âge ne méritait-elle pas justice ? C'était ça votre moteur aussi ? Oui. Rendre justice à sa mémoire, pour le coup, puisque partout. C'était ça votre moteur ? Rendre justice à la mémoire d'Agnès, et puis aussi à sa mère qui s'est battue toute la deuxième partie de sa vie pour obtenir justice. Pour sa fille, et c'est vrai que ce personnage, cette femme, Renée Leroux, qui était quelqu'un d'assez admirable, d'une ténacité extraordinaire, autant à l'époque, en 2007, je pouvais m'identifier à Agnès, et je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, maintenant que je suis moi-même maman, même si mes enfants sont bien plus jeunes que 27 ans, mais je peux comprendre pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas tomber et qu'on fait tout et que l'on se bat. Elle s'est ruinée, elle a pris des détectives privés, elle a écouté n'importe quel témoignage. Et croyez bien que beaucoup de personnes ne se gênent pas pour essayer d'escroquer des femmes en détresse comme ça. Mais elle n'a jamais lâché. Et enfin, elle a pu obtenir non seulement justice et plus tard au procès de Rennes une vérité. Bien, alors on a raconté cette histoire. On va parler d'autre chose dans 3 minutes. On va parler du métier d'avocate, parce que ce sont des témoignages d'avocates. Et on parlera aussi du métier d'avocate et d'avocat un peu plus largement. Essayons de rentrer dans la psychologie des gens de ce métier, voir les coulisses. Hein. Vous êtes d'accord pour jouer ce jeu-là, puisque c'est aussi le thème du livre. C'est exactement l'objet de notre livre. On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Sega Bodega et Charlotte Gainsbourg. Thank you. faire avoir. Est-ce qu'on m'a pris dans l'heure? Théorie, analyse, prescrit de trois dialyses. J'y crois bien sûr, tu te marres. T'as dit l'autre et redit que je dorme avec mes suines. Et toi, laisse-moi tranquille. Naturopathe en sorceleur, vous êtes un bon baratineur. Je vide mon sac, je sors ma ville pour que c'est un acte tourne à l'usine. Tout au tranquille avec des huiles, elle te gêne bien. From this hell, your God is at the wheel and keeping you unwell. I am the only one with medicine correct. The treatment has begun, slowly taking effect. C'est sans espoir, je me fais avoir. Mon gros seller m'a pu d'un bord. Ces théories seront analysées. Ils préconisent deux, trois dialyses. Je veux y croire, toi tu te marques. Qu'est-ce qu'il a dit, l'autre l'érudit? Que je dorme tranquille avec mes suites. Femme avocate que les projecteurs ignorent, préférant leurs confrères, les fameux ténors du barreau, chacune de ces avocates a dans le cœur un procès particulier, un de ceux dont on ne se remet jamais vraiment. Elles ont défendu Guy Georges, la famille d'Ilan Halimi, Bertrand Cantat et d'autres, et elles se confient. Telle est la ligne éditoriale du livre que je tiens entre mes mains, donc qui s'appelle L'avocat était une femme, que vous avez coécrit Julia Minkowski avec la journaliste Lisa Vignoli. Première question, est-ce qu'être avocate pénaliste diffère quand on est une femme? C'est quoi la différence entre une avocate et un avocat, au-delà du fait qu'il y a une femme d'un côté et un homme de l'autre? Alors nous, les avocates, on aimerait bien qu'il n'y ait aucune différence dans la perception qu'ont les gens. Mais malheureusement, il y en a beaucoup. Il existe une image d'Épinal très forte, très fortement ancrée, de l'avocat pénaliste, le ténor, qui est nécessairement un homme de taille plutôt imposante et de corpulence imposante aussi, de préférence, avec une grosse voix qui tonne, qui s'offusque. Et les femmes, dans tout ça, bah, quand elles prennent la parole un peu fortement, on va les critiquer comme étant trop autoritaires ou voire hystériques, ayant une voix trop aiguë, perchée, et puis aussi n'ayant pas les épaules pour traiter de ces affaires de sang, de ces affaires difficiles à gérer. Et c'est ça la différence qu'il y a entre un avocat et une avocate, c'est la perception qu'en ont les autres. Puisque en réalité, une fois qu'on met la robe, bah, nous sommes tous des êtres humains avec des sensibilités, des intelligences, des logiques différentes. Et moi, je raconte souvent cela parce que je trouve que c'est assez symbolique du fait que ces préjugés n'ont absolument aucun sens. Avec Lisa Vignoli, on a beaucoup interrogé les avocates dans notre livre sur les larmes. Est-ce que vous avez déjà pleuré en audience? Est-ce que vous avez déjà eu envie? Ce sont des questions qu'on aurait tout à fait pu poser à des hommes. Et la preuve en est qu'on parlait d'Hervé Temim tout à l'heure, mon associé, avec lequel j'ai donc suivi cette affaire et la défense de la famille Leroux. Ben, je peux vous dire qu'Hervé Temim, à plusieurs reprises dans des procès différents, il a pleuré à côté de moi sur le banc, alors que moi, je me suis retenue. Au passage, j'y pense, ça c'est pas l'essentiel, bien que je trouve que le cinéma a une longueur d'avance sur la société, parce qu'au cinéma, on voit beaucoup de femmes avocates. Je sais pas si c'est votre sentiment également, mais on en voit plus que finalement la médiatisation des avocates dans la vie, je trouve. En tout cas, il est certain que la seule avocate pénaliste que la France connaît, c'est Joséphine Carlson, qui est un des personnages d'Engrenage, joué par cette formidable actrice, alors que vous prenez n'importe qui dans la rue, mais y compris des professionnels de l'information, hein, j'ai très souvent fait le test, vous demandez de citer le nom d'une avocate pénaliste, personne n'en connaît, alors que les avocats, oui. Il y a Gisèle Halimi, l'exception qui confirme confirme la règle. Mais parce que ça allait au-delà de la formule judiciaire, c'était un fait de société qu'elle défendait. Tout à fait, elle est davantage connue pour ses faits d'armes en tant que militante féministe qu'en tant qu'avocate. Ouais. Alors, pardon, mais là pour le coup c'est une question que je pourrais poser à un avocat et une avocate. Il y a la fameuse plaidoirie dans la représentation, dans l'image mentale populaire qu'on se fait d'un avocat ou d'une avocate. Pour le coup, il y a ce moment de plaidoirie. C'est le moment de la tradition orale, c'est le moment de la rhétorique. Comment vous préparez ça? Est-ce que vous avez le trac comme un comédien qui entrerait en scène, une comédienne, pardon, qui entrerait en scène? Bien sûr, je ne sais pas si c'est comme un comédien ou une comédienne qui entrerait en scène, puisque je ne suis moi-même pas comédienne. On a un trac fou. On a un trac fou, pas seulement lié à cet exercice rhétorique, mais aussi parce que... Aux enjeux, surtout. On a, voilà, le destin des personnes qu'on assiste, des personnes qu'on défend, entre nos mains. Alors vous allez me dire, bah non, pas du tout, c'est entre les mains des juges et des jurés. Mais au moment où vous prenez la parole pour quelqu'un qui risque de perdre parfois de très nombreuses années de liberté, parfois des petites, mais de perdre leur honneur, de perdre leur travail, leur famille, enfin, de perdre beaucoup de choses, vous avez vraiment le sentiment que c'est entre vos mains. Et quand vous échouez, vous ne vous dites pas que c'est à cause des magistrats qui sont forcément désagréables. En premier lieu, vous sentez, vous, une responsabilité. Oui, et la grande différence avec un comédien ou une comédienne, c'est que dans les mains de comédien ou de la comédienne, on simule une situation. Là, c'est vrai, quoi. On est dans le vrai, d'où effectivement l'enjeu. J'avais reçu Robert Badinter deux fois dans cette émission et je lui avais dit il ne s'agit pas d'aimer l'accusé, il s'agit d'aimer défendre l'accusé. Il me répond oui, c'est moi qui ai dit ça. Ben, oui, je sais bien, je ne pirate pas, je suis juste en train de transmettre. Il ne s'agit pas d'aimer l'accusé, il s'agit d'aimer défendre l'accusé. Je reste votre commentaire là-dessus. J'imagine que vous êtes totalement d'accord, mais j'aimerais vous l'entendre dire. J'ai beaucoup d'admiration pour Robert Badinter. Là, vous citez vraiment le totem des avocats pénalistes. Oui. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'il dit, parce que autant, évidemment, on défend un homme, on défend une personne, on ne défend évidemment pas ce qu'il a commis. Mmh. Quand vous défendez une personne accusée de viol, vous ne défendez pas le viol ou le meurtre, vous défendez cette personne qui a pu commettre un acte à un moment ou à un autre. Moi, je crois, même si parfois les clients sont assez doués pour se rendre insupportables, au moment où je plaide, en tout cas, mes clients, je crois que je finis toujours par les aimer à ce moment-là. Il y a quelque chose, c'est Henri Leclerc, qui, une autre figure tutélaire des avocats pénalistes, qui a dit que finalement, défendre, c'était dans le triptyque liberté, égalité, fraternité, c'est la fraternité, on défend son frère humain. Et donc, on aime son frère. Voilà, ce sera le mot de la fin. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que c'est la fin de notre émission. Ouais. On aurait eu d'autres choses passionnantes à dire. Eh bien, je renvoie les auditeurs, tout simplement, pour en savoir plus, à la lecture de votre livre. L'avocat était une femme, le procès de leur vie. Merci infiniment. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Affaire sensible aujourd'hui, l'affaire Agnès Leroux, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, il y avait Philippe Duclos. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les affaires sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Marjolaine Corse, Sophie Bobert, Vincent Lebrun et Romain Weber. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Lecture, Benoît Colomba et Jean-Philippe Degnaud. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Flora Bernard et Stéphane Gaume.